Just roll it, roll it, roll from it. The top. From the top. No compromise, no compromise, no compromise. Just roll it, roll it, roll from it. The top. From the top. No compromise, no compromise, no compromise. Je te parle de Nella quand je vais venir. De jeune pour que la vie ne plaisante pas. Ce que les que font pour des débiles. En fait, ne le sont pas. Puisque tu sais de l'ignorance. Je suis juvénile. De jeune pour qui la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais. Tu prends des coups de la maison, tu les rends dehors. Tension de ne pas tomber entre quatre miradors. Non, tu te fous de tout ton culte. Mais je crois que t'as tort. Pour ton dernier personne ne vaut la peine de faire des efforts. Non, placé dans un foyer qui peine dans les torts. Tout est dispersé, rien n'est en accord. Beaucoup moins à l'aise en pleine journée qu'à l'oro. Déchire la tête, chire le cœur, chire le corps. La vie est trop putain de courte pour que t'en ailles rien à foutre. Why not, tu sais pas plus t'en pas d'une voûte. Why not, t'es grand à tout prix, coûte que coûte. Fais le scène de l'ignore pas, tu sais que sans aucun doute, la vie c'est comme ça. Why not, qu'il ne suffit pas. Why not, ouvrir la suite et sortir de là. Tender, je te parle de délai quand j'y vais lire. Je ne pour que la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais des lignes pas. Je parle de délinquance juvénile. De je ne pour que la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais. La misère tombe sur toi même si tu le mérites pas. Un mec de 15 dans un bloc naze avec des francs. Le fin de la fin c'est d'avoir la chance d'obtenir ça. Pense au nom de mi-fa qui s'est hiver bon. Why not? Trop de monde sous le seuil. Why not, why not? Trop dans les cercueils. Why not? Trop de monde porte le deuil. Certaines ont 15, il faut pas que tu les cueilles. Il y a toujours une raison à tout. Alors cherche pas de midi à 14h. Inutile de les traiter tous de fous. Racing ou bien encore de casseurs. Il suffit d'une couille dès le départ. Pour que le reste suive d'ailleurs. Tu sais très bien de quoi je l'ai pas. Monsieur le maire et ses patrouilleurs là. Je te parle de délinquant juvénile. De jeunes pour qui la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais de l'ignore pas. Je te parle de délinquance juvénile. De jeunes pour qui la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais de l'ignore pas. Roll it, roll it, from the top, no compromise, no compromise, no compromise. Quoi qu'il te soit arrivé dans ta pauvre vie mon gars. Tu rentres sur la place et le reste est devant toi. Dans la tête dure, rien n'y rentre comme ça. Pas besoin d'elle, tout seul t'y arrivera. Prends la peine de côté, ça les rend pas. Oublie la scène, les refrains, je t'en parle même pas. Logiquement à l'école, les profs ne pigent pas. Tu sais rien ne dire, le tout c'est de garder la foi. Tu parles de délinquant juvénile. De jeune pour qui la vie ne plaisante pas. Ce que les gueux font pour des débiles. En fait ne le sont pas. Puisque tu sais de l'ignorance, je te parle de délinquance juvénile. De jeune pour qui la vie